Le cirque sur le peuple de Noir, c'était quoi? C'était quand ils adoraient les statues, c'était, ils représentaient des hommes vertueux. Et on va en parler.